Chapitre 7e. Habitation d'un avare. Monsieur Brise se trouva chez lui. Cécile lui communiqua, sans préambule et en peu de mots, les raisons qui l'engageaient à désirer de quitter Monsieur Harel, et ajouta que s'il lui était possible de la loger, elle serait charmée de résider avec lui jusqu'à sa majorité. « Oui, oui, s'écria-t-il, je suis très content. Je vous recevrai de tout mon cœur. Monsieur Harel, sûrement, a bien fait ses affaires avec vous. » Cécile commença, en voyant la chambre qu'il lui destinait et le délabrement des meubles qu'elle renfermait, à se repentir de lui avoir fait connaître le sujet de sa visite, car elle vit qu'il lui serait absolument impossible de s'accoutumer jamais à une telle habitation. Elle aurait seulement souhaité que M. Moncton eût été présent, pour juger par lui-même combien son projet était peu praticable. Tout ce qu'il restait actuellement à faire était donc de rétracter ce qu'elle avait avancé et de se retirer de chez M. Briggs. Elle était fâchée cependant de ce que le seul de ses tuteurs chez lequel il lui convenait d'habiter eût trouvé moyen, par sa bassesse, son avarice et sa grossièreté, de rendre les richesses méprisables, l'opulence inutile et l'économie odieuse, et que le choix de son oncle fut ainsi malheureusement tombé sur l'avare le plus vil et le plus abject, dans une ville surtout où l'abondance, l'hospitalité et la splendeur régnaient, et dont les principaux habitants, longtemps renommés pour leur opulence et leur probité, se distinguaient alors par leur magnificence et leur libéralité.